France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, en ce jour où Missak Manouchian entre au Panthéon, voici l'histoire de son groupe et de l'affiche rouge. Le 21 février 1944, 22 hommes âgés de 18 à 44 ans sont fusillés par les Allemands au Mont Valérien et une femme de 32 ans est déportée en Allemagne avant d'être décapitée à la hache quelques semaines plus tard. Des dizaines d'autres de cette bande de terroristes judéo-bolcheviques, comme les dénommaient la presse française et les nazis, trouveront la mort dans l'anonymat des camps de concentration. 80 ans tout juste après son exécution, Missak Manouchian, présenté comme le chef, entre donc aujourd'hui au Panthéon. La notoriété de son groupe, il la doit aussi à la propagande allemande. Cette affiche rouge, placardée par les autorités d'occupation et leurs valets de Vichy sur les murs des villes françaises, quelques jours après la mort des résistants, exhibant le visage de 10 d'entre eux, les présentant comme de dangereux terroristes, étrangers de surcroît, espérant ainsi créer un effet de peur sur les passants. Mais comment se sont-ils battus, ces résistants de choc? Comment sont-ils tombés? Car les 10 de l'affiche rouge et les 22 fusillés du 21 février ne sont que la face visible d'une organisation de résistance plus large, les FTP-MOI, nous dirons MOI, pour francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre, immigrés. Une véritable équipe de choc au service du combat contre l'envahisseur de leur pays d'adoption. Nos invités aujourd'hui, Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, et Dimitri Manessis, docteur en histoire, auteur tous les deux du livre intitulé « Avec tous tes frères étrangers de la MOE au FTP-MOI », paru aux éditions Libertalia au début de ce mois. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Bastien Jans, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Benante, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Juin 1985. Le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, est en pétard. Oh, elles sont courantes, les colères du leader communiste, notamment contre la présidence de François Mitterrand, depuis que celui-ci l'a embobiné avec son programme commun. Mais cette fois, l'objet de ce courroux n'est pas d'ordre politique. Enfin, pas totalement. Il s'agit d'un documentaire intitulé « Des terroristes à la retraite » diffusé le lendemain sur Antenne 2. Eh bien, je le dis d'une manière très solennelle, le Parti communiste ne se sent nullement en position d'accuser. Nous disons ceci, nous regardons, nous, toute notre histoire, que l'on discute donc quel est le seul parti qui dans ce pays, parti, je dis bien, parti, qui dans ce pays, en 1940, a accompli son devoir. La réponse, c'est le Parti communiste français. Marchais, ce que vous ne croyez pas, les téléspectateurs français sont tout de même suffisamment majeurs pour se faire eux-mêmes une opinion. Si je dis, moi, que vous avez assassiné votre femme, hein, je fais un film, un petit film de 5 minutes, je dis, vous avez assassiné votre femme, je le publie, et je dis, les téléspectateurs seront une opinion. Voilà 2 ans que par tous les moyens, le PCF cherche à empêcher la diffusion du film réalisé par le jeune cinéaste Moscou Bouko. Pour traiter ce cas épineux, la direction d'Antenne 2, visiblement peu sûre d'elle, a mobilisé la haute autorité qui a elle-même saisi un jury d'honneur composé d'anciens résistants. Tous ont émis un avis défavorable quant à la diffusion d'une œuvre jugée problématique. Mais contre toute attente, et avec les encouragements du ministre de l'audiovisuel de l'époque, Georges Filliou, Antenne 2 finalement programme le film, ce 13 juin 1985. Dans le cadre de l'émission Les dossiers de l'écran, sa diffusion est suivie d'un débat comme d'habitude, et surtout précédée d'un avertissement aux téléspectateurs de la part d'un dirigeant communiste. Et après des semaines d'odeurs de soufre entourant la diffusion de ce documentaire d'histoire, le public est évidemment au rendez-vous. Un tiers des téléspectateurs français est ce soir-là devant son écran. 21 février 1982. Famille des fusillés et compagnons de combat se retrouvent devant le tabac de la porte de Choisy avant de se diriger vers le carré des résistants étrangers du cimetière d'Ivry. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. Thomas Elec, mort pour la France. Emery Glass, mort pour la France. Je m'appelle Jacques Farber. Je suis d'origine juive polonaise. Je suis arrivé en France en 1930. Et en 1941, je suis rentré dans la résistance. Dans son film, Moscou Boukou part à la rencontre de quelques vétérans des FTP, Moï. Le public, médusé, découvre alors le visage de ces vieillards aux noms imprononçables et à l'accent bien prononcé, qui sont en fait de véritables héros de la Seconde Guerre mondiale. Saboteurs, dérailleurs et tueurs de nazis, cette équipe a commis à Paris quelques 200 attentats contre l'occupant allemand en moins de 2 ans. Cette armée de l'ombre les restait justement dans l'ombre. Ses membres ont vieilli sans reconnaissance de la part d'un pays peu enclin à associer des noms étrangers à son panthéon des glorieux résistants. Car en 85, l'importance des immigrés dans la résistance française est largement ignorée par le grand public. La fiche rouge n'est pas encore dans les manuels scolaires, elle le sera bientôt, à la suite de la diffusion du film, justement. Et s'il n'a pas échappé à vos oreilles que Moscou appose sur son générique de début la voix de Léo Ferré, reprenant les strophes pour se souvenir de Louis Aragon, il faut vous dire que c'est alors l'une des premières fois que la chanson est diffusée sur les ondes publiques. Ce poème est écrit en 55 et mis en musique en 61, mais jusqu'en 82, et la libéralisation de l'audiovisuel public décidée par François Mitterrand, la chanson fait l'objet d'une censure d'État. Oh, rien d'extraordinaire, la plupart des compositeurs de la trempe de Léo Ferré subissent le même sort. Mais ainsi, le nom de Manouchian, et plus encore, de ceux qui sont tombés avec lui, Panchik, Reman, Epstein, Elec, Boxoff, Fontano, Della Negra et près de 60 autres camarades, ne sont connus que d'un tout petit nombre. Une question demeure alors. Pourquoi le Parti communiste français s'indigne-t-il de la diffusion de ce film? Après tout, c'est l'occasion de raviver le souvenir des résistants communistes. Et la gloire des martyrs de la fiche rouge nourrit bien celle du PCF. Non, la cause est à chercher dans le dernier tiers du film qui aborde les raisons de la chute du réseau FTP Moï Paris. Le cinéaste oppose alors 2 témoignages. D'un côté, la veuve de Manouchian, Méliné, et de l'autre, celui de Boris Holban, qui fut en 1944 le supérieur hiérarchique de Missak Manouchian au sein de la FTP Moï. Version de Méliné Manouchian, veuve de Missak Manouchian. Au mois d'octobre, Manouchian m'a dit qu'il était filé. Et non seulement lui, mais tous les autres camarades. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu ne vas pas voir un des responsables pour qu'il vous mette en abri en Provence? Alors il est allé, il est revenu et il a dit qu'il ne nous laisse pas partir en disant que si vous partez, vous serez déserteur. Je me rappelle encore la dernière nuit. Manouchian m'a dit, ils veulent nous amener à la mort certaine. Manouchian accusait qui quand il te disait, ils veulent nous mener à la mort? C'est toujours les mêmes personnes. La direction, c'est Holban Olivier. J'ai jamais vu Madame Manouchian, je ne l'ai jamais connue. Elle n'a pas milité dans la résistance. Je ne sais pas où elle a milité. Ce qu'elle dit, ce sont tout simplement des inventions. Elle me prend, moi, comme bouc émissaire. Ainsi, le groupe Manouchian revient-il dans les mémoires françaises, accompagné d'une polémique qui embrase les journaux, les radios et les télés pendant 2 semaines. Si le film met directement en cause l'appareil du PCF, accusé d'avoir sacrifié ses militants immigrés, l'argumentaire ne repose que sur la foi donnée au témoignage de la veuve de Manouchian. Boris Holban, incriminé, pourra donner sa propre version des faits. Il faut des années et l'ouverture de nouvelles archives, notamment celle de la police française qui a traqué et capturé ces terroristes, pour que les historiens percent les secrets de cette armée des ombres et comprennent les vraies raisons de sa chute. Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers. 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. 11 février 1944, le journal d'actualité cinématographique de Vichy jette en pâture les visages de 10 hommes. Leurs regards sont insondables. Ils se tiennent droits, fixent l'objectif, mais semblent avoir les yeux perdus dans le vide. Et pour cause, ils ont été torturés pendant des semaines. Mais leurs visages ne présentent aucun signe de violence. Non, ils sont apprêtés, déjà presque des cadavres empaillés. Face à eux, on peut imaginer le contre-champ. Une cohorte de photographes et de journalistes français qui se pressent dans la cour de Fresnes à l'invitation des Allemands pour immortaliser la capture de ces terroristes communistes et juifs et faire la publicité de leur procès qui sera celui du judéo-bolchevisme. Le groupe Manouchian coche toutes les cases. En tout cas, ce sont les seules images animées que l'on a gardées de ces hommes qui seront bientôt figées pour l'éternité sur la fiche rouge. Parmi eux, l'Arménien Missak Manouchian, donc, présenté comme le chef de bande. Il semble triste, son corps est amaigri, ses traits sont fatigués. À quoi pense-t-il alors? À Méliné, sa femme? Certainement. À leur rencontre, peut-être, lors de ce bal en décembre 1934, il y a tout juste 10 ans. Cette fameuse année 34, celle du 6 février et des émeutes des ligues d'extrême droite qui ont changé sa vie, à jamais. Ironie de l'histoire, dans le même journal d'actualité du 11 février 1944, les services de propagande de Vichy concoctent un petit reportage hommage aux 10 ans du 6 février 1934. Eux aussi voient dans ces événements un récit fondateur pour le régime de Vichy. Paris, 6 février 1934. Tous s'apprêtaient à manifester contre la carence de la justice et l'incurie du régime qui, sous l'influence juive, a amené la guerre et la défaite dont nous supportons actuellement les conséquences. Des mesures de précaution sont prises par le gouvernement. Des renforts de police et même des troupes venues des environs de Paris défilent dans les rues. Les abords de la chambre sont gardés. Vers la fin de l'après-midi, les premières bagarres éclatent place de l'Opéra. Le jeune Manouchian est à Paris en ce mois de février 1934. C'est alors un fringant trentenaire qui expose volontiers les lignes de son corps musclé aux yeux de ses amis peintres arméniens. Les amis, sa seule famille. Ses parents sont morts lors du génocide arménien entre 1915 et 1923. Avec son grand frère, Garabed, il a tout vécu. L'exil au Liban, l'arrivée à Marseille, puis la montée à Paris. Mais Garabed, lui, a été emporté par la tuberculose, voilà déjà 7 ans. La politique, Manouchian ne s'en mêle pas. Non, lui est plutôt du genre poète, maudit, féru de littérature et ouvrier à ses heures perdues. Enfin, quand il trouve du travail. À vrai dire, ces dernières années, il connaît surtout le chômage et la solitude. Alors, il chante sa vie dans des poèmes désespérés. C'est en vain que, face au miroir, je tente d'amener un sourire sur mes lèvres affligées et de m'associer au chant de la rue. En colère, je regarde l'ombre qui tombe sur la roue tournante de l'année, et autour de moi, tout semble décatir. Mon âme est une mer dans la tempête cette nuit. C'est en vain que le vent fou de la vie brasse la voile ravagée de mes pensées. Le 6 février 1934 est pour Manouchian un électrochoc, comme pour tant d'autres ouvriers immigrés se sentant désormais en danger. Alors il prend sa carte parti communiste français et milite au HOK, le Comité de secours pour l'Arménie, un organe de l'Internationale communiste. La crise économique de 1929 a changé le regard porté sur les immigrés en France venus par centaines de milliers travailler dans les mines et les usines au sortir de la Première Guerre mondiale. Le chômage venant, les ouvriers étrangers font maintenant l'objet d'une xénophobie rationalisée jusqu'au plus haut niveau de l'État. La loi du 10 août 1932, dite de protection de la main-d'œuvre française, autrement dit les Français d'abord, ouvre la boîte de Pandore. expulsions et rapatriements forcés, surveillance accrue. À cette époque, il n'y a bien que le Parti communiste pour défendre les droits de ses travailleurs étrangers. Et le Parti s'est compté sur cette main-d'œuvre immigrée, la MOI, pour garnir ses rangs, animer des comités antifascistes, diriger des revues et tracter dans la rue. Italiens, espagnols, roumains, hongrois, arméniens. Organisés par groupe de langue, chacune de ces communautés publie sa gazette, organise des rencontres sportives ou des bals dansants. La vie militante s'offre à ses ouvriers déracinés un peu d'amitié, un peu de dignité, un peu d'amour même. D'ailleurs, c'est sur une piste de danse, en décembre 34, que Missak tombe follement amoureux d'une jeune militante, arménienne et orpheline, comme lui, Méliné. Avec elle, il peut traverser les heures exaltantes du Front populaire, militer beaucoup, espérer un peu, sans trop y croire tout de même. En 1938, le gouvernement du Front populaire s'effondre, le centriste Édouard Daladier arrive au pouvoir, promettant aux Français de les remettre au travail, avant de signer avec Chamberlain, Hitler et Mussolini les funestes accords de Munich. Mars 1939, l'Europe est sur le point de basculer dans la guerre. Mais pour le chef du Parti populaire français, Jacques Doriot, aux inspirations vaguement fascistes, le problème, c'est évidemment l'immigration. Écoutons cette voix qui deviendra l'une des plus ferventes de la collaboration française. Le phénomène n'est pas nouveau. Il date de 20 ans. Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les politiciens que les travailleurs honnêtes. Le Parti populaire français a proposé un certain nombre de mesures qui permettrait au pays d'utiliser la main-d'œuvre étrangère tout en se gardant des dangers que provoquent les immigrés politiques. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire. Cette règle permettrait de n'admettre que l'immigration nécessaire à notre production et non celle qu'exigent communistes et socialistes pour renforcer leur cohorte révolutionnaire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs immigrés vivent ainsi dans l'angoisse, en France, de voir leur sort basculer. Des décrets-lois pris par le gouvernement centriste distinguent même dans cette population étrangère, je cite, « les parties saines et laborieuses », des individus moralement douteux dont il faut se séparer. Mais qui sont-ils, ces éléments soi-disant moralement douteux? Est-ce cette Roumaine, Olga Banchik, 28 ans, étudiante en lettres à la Sorbonne, et qui avec son mari soutient activement les républicains espagnols? Est-ce encore ce Boris Holban, roumain, qui a rejoint la France pour fuir l'antisémitisme? Sont-ce les turbulents frères Revman, Marcel et Simon, des Polonais qui font les 400 coups rue des immeubles industriels dans le 20e arrondissement avec leur grand copain Henri Krasucki, dont personne n'ignore qu'il est l'un des plus influents militants des jeunesses communistes de Belleville? Est-ce encore ce Thomas Elek, jeune hongrois, brillant élève au lycée Louis le Grand, et qui, dans le restaurant de ses parents, où se croisent nombre de réfugiés, ne cesse d'entendre parler des crimes nazis? Partout en France, à Paris, Lyon, Toulouse, Grenoble, les populations immigrées se serrent les coudes au sein des organisations de la MOI. Et puis c'est la bascule. En août, nazis et soviétiques signent un pacte de non-agression. Les militants de la MOI, fer de lance de l'antifascisme, sont abasourdis, perdus. D'autant que le mois suivant, le Parti communiste est interdit en France. La MOI, comme toutes les autres organisations communistes, est dissoute. Ses militants sont arrêtés. Comme le poète arménien Missak Manouchian, qui goûte déjà la prison quelques semaines. Alors, pour lui, comme pour tous les autres, le temps est bientôt venu d'entrer dans l'ombre. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.

tout le monde parlait allemand. Pour les aborder, c'était pas difficile pour nous. En tant que jeune femme, il suffisait quand on montait dans le métro première classe ou on allait dans un musée, ou là on savait pour les trouver. On parlait allemand entre nous, tout de suite il y avait un poisson qui mordait à l'hameçon. Ah, mademoiselle, vous parlez de l'allemand? Alors, si, c'est là. Bon. Alors, évidemment, ils étaient très étonnés qu'au bout de 5 minutes, au lieu de nous dire des galanteries, nous les abrévions des propagandes anti-hitlériennes et contre la guerre. Après Stalingrad, tout d'un coup, leurs oreilles s'ouvraient davantage quand on leur disait, vous savez, vous avez d'ores et déjà perdu la guerre, ne vous faites pas d'illusions. Il n'y aura pas de Wunderwaffen, il n'y aura pas d'armes de miracles, vous avez perdu la guerre. 17 mars 1943, le Valois Perret. Ce jour-là, Missak Manouchian ne peut se permettre de douter. Un groupe de soldats s'approche de lui. Il discerne à présent les visages juvéniles de ceux qu'il doit tuer. Alors, il serre fort la grenade dans sa main. Il faut qu'il la lance maintenant, merde. Il doit faire ses preuves, car beaucoup, et lui le premier, doutent de sa capacité à passer à l'acte. Voilà un mois qu'il a rejoint le premier détachement des FTP MOI. L'organisation secrète s'est structurée tout au long de l'année 42, recherchant parmi ses anciens militants des femmes et des hommes capables de mener la lutte armée. Oui, fini la distribution de tracts. Maintenant, il faut tuer. Un soir, Manouchian s'entretient avec un certain Charlie, un bulgare. Et quelques jours après, il apprend à tirer avec un jeune homme de 15 ans de moins que lui, Marcel Reymal, 19 ans, devenu en quelques mois un tueur d'élite. Au pistolet, à l'arme blanche, à la grenade, il ne recule devant aucune manière de tuer un nazi. Depuis que son père a été déporté lâchement après un simple contrôle à la préfecture, depuis qu'il a vu des milliers de juifs emmenés par la police française lors de l'été 42, depuis qu'il craint chaque jour pour sa vie et celle de sa mère et de son petit frère, Rachman s'est engagé dans une course avec la mort. Alors, les états d'âme de ce poète arménien, Manouchian, l'importe peu, non, il est là, dans les rues de Levallois-Perret, pour le seconder. Manouchian n'hésite pas. Il envoie la grenade au milieu de la petite troupe de soldats et ressent instantanément un immense soulagement, comme il l'écrit plus tard à sa femme, Mélinée. La première image qui m'est venue à l'esprit fut celle de mon père, mort pendant la Première Guerre mondiale, et de ma mère, morte de faim peu après. J'ai réellement eu alors l'impression qu'ils sortaient du tombeau. Ils avaient le visage de la vengeance. Ils me disaient que je devais agir. « Tu ne fais pas de mal, tu ne fais que tuer des tueurs. » Je me suis senti léger. Léger. La conscience tranquille comme jamais. Je ne venais pas de tuer, mais au contraire, je venais d'accomplir une œuvre magnifique. Au 36 quai des Orfèvres, le commissaire Lucien Rotet, qui dirige les renseignements généraux, ne pense plus qu'à eux, obsédé. Ces terroristes qui multiplient les actions ce printemps 43 à Paris, combien sont-ils? 20, 60, plusieurs centaines? La réquisition forcée des travailleurs français dans les usines allemandes, le fameux STO, a, semble-t-il, contribué à renforcer les troupes. Rotet déteste ces communistes qui sèment la terreur, tuent sans sourciller, font dérailler les convois, et lui valent le courroux de la commandante Tour. Alors, le fonctionnaire de Vichy met le paquet. Deux brigades spéciales, BS1 et BS2, sont mises sur pied, et 200 hommes sont mobilisés afin d'orchestrer le travail de filature. La traque aux terroristes judéo-bolcheviques est ouverte. Peu à peu, la BS2 met au jour un réseau clandestin aux ramifications complexes. Une soixantaine de personnes, des agents de liaison, souvent des femmes, porteuses d'armes et de messages, des agents de renseignement, des soignants, des faussaires et bien sûr des combattants. Tous apparaissent comme des pions isolés, surgissant à la terrasse d'un café ou à la sortie d'un métro et s'évaporant aussitôt dans la nature. Les policiers, eux, retiennent leur coup. Ils agissent méthodiquement, localisent les planques et attendent le bon moment pour agir. Mars 43, la BS2 arrête toutes les jeunes troupes juives dirigées par Henri Krasucki. Tous seront déportés. Et le travail continue. En juillet, c'est le second détachement des FTP MOI qui tombe. Les partisans sont torturés pendant des jours dans les salles obscures du quai des Orfèvres, mais a priori, personne ne parle. Pour l'instant. Malgré les arrestations par dizaines, les FTP MOI redoublent d'efforts. Et plus l'étau se resserre, plus la discipline s'impose. Dans le documentaire de Moscou Bukko, Bruce Alban, chef militaire de la BOI pour la région parisienne, se souvient très bien de ses consignes de sécurité. Moi, j'ai donné les conseils suivants aux combattants. Tout d'abord, cessez de voir vos familles. Ne fréquentez pas des cinémas, des théâtres, de lieux publics, car vous risquez de subir des rafles ou des contrôles de papier. Évitez de prendre l'autobus et les métros, car il y a... Tout était interdit. On ne devait rien faire, à vrai dire. Tout était défendu de faire, mais la vie, c'est plus fort que tout. Et puis, il ne faut pas oublier, on avait 18 ans. Hein. Si entre deux rendez-vous, vous n'avez rien à faire, n'entrez pas dans des cafés ou dans des bistrots. Marchez et surtout contrôlez-vous bien si vous n'êtes pas suivi. La discipline, évidemment, ne suffit pas quand on est 60 clandestins et qu'on est traqué chaque jour par plusieurs centaines de policiers. Non, la pression ne redescend pas. On demande toujours plus d'action. La direction du Parti communiste demande de frapper plus fort. Tiens, pourquoi ne pas s'attaquer à un haut dignitaire allemand, par exemple ? Une équipe spéciale, dirigée par Marcel Reichmann, est mise en place afin de mener cette action extrêmement dangereuse. Mais Boris Alban craque. Comme il le révélera dans ses mémoires 50 ans plus tard, il désapprouve les ordres de sa hiérarchie. Il sait que la digue est sur le point de céder, plusieurs camarades se savent repérer. Mais la direction n'entend rien. Alban est exilé en province, et c'est à ce moment-là seulement que Missak Manouchian prend le commandement militaire des FTPOI de Paris. Pour quelques mois seulement. Pour l'heure, une cible allemande a été repérée, depuis longtemps d'ailleurs, par le service de renseignement des FTP BOI. Une cible avec un nombre important de galons sur l'uniforme noir Hugo Boss des SS. Chaque jour, à 8h30, l'Allemand en question quitte son domicile dans le 16e arrondissement. Il traverse le trottoir et monte à la place du passager de sa voiture. Pendant quelques secondes, il est exposé. Le 28 septembre 1943, Reichmann, Alonso, Kneller et Fontano se présentent au 18 rue Pétrarque, aux alentours de 8h. Le gradé allemand sort à l'heure prévue. Alfonso s'élance. Il dégaine, mais ses deux balles sont repoussées par la vitre blindée. L'allemand tente de s'échapper par la porte opposée, mais il tombe nez à nez avec le calibre de Marcel Reichmann. La scène est reconstituée dans le film « Armée du crime » de Robert Guédiguian. Morgen, Herr General. L'œuvre, demandez l'œuvre. Le général Ritter, assassiné dans sa voiture par des terroristes. L'Allemagne en deuil. L'œuvre, demandez l'œuvre. Le général Ritter, l'œuvre, monsieur. Une journée de deuil national a été décrétée dans toute l'Allemagne. Himmler demande à Auberg de mettre les terroristes hors d'état de nuire. L'armée de l'ombre sort enfin de l'ombre. C'est bien ça que vous voulez, non ? Félicitations, Missak. Mais à partir de maintenant, il va falloir redoubler de prudence. Deux jours après, en lisant les journaux, les partisans prennent la mesure de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le docteur Julius Ritter, responsable des déportations de travailleurs français du STO. La répression nazie, évidemment, est sanglante. 50 otages du fort de Romainville sont fusillés dans la foulée. C'est la conséquence malheureuse de chaque action des FTP MOI. Des dizaines de fusillés communistes ou juifs pour un seul Allemand tombé. Tel est le prix à payer. Pressés par les Allemands, les brigades spéciales passent à l'action. Cette fois, le coup de filet ne doit rien laisser passer. Toutes les têtes doivent tomber. Fin octobre, la BS2 met la main sur un certain Davidovitch. Il est le commissaire politique des FTP MOI. Un poste qui lui confère une place centrale dans l'organisation clandestine. Mais il est aussi la faille. Il ne résiste pas à la torture. Davidovitch met des noms sur des visages, des noms sur des fonctions, des noms sur des crimes. Dans les semaines qui suivent ses aveux, 68 de ses camarades sont arrêtés. Missak Manouchian lui est serré le 16 novembre en compagnie de Joseph Epstein, son supérieur, le chef de tous les FTP parisiens. Le réseau est décapité. La police française peut servir ses prises aux Allemands sur un plateau. le commissaire Lucien Rotet, conclut avec fierté son rapport des opérations. Une réussite que les brigades spéciales ne doivent qu'à leur travail bien fait. Rotet inscrit froidement son bilan comptable. 4 Français juifs, 19 étrangers et ariens, 30 étrangers et juifs. La plupart d'entre eux sont déportés, mais 23 sont choisis pour faire de la figuration dans le simulacre de procès qu'orchestrent les Allemands, trop heureux de donner aux journalistes français le spectacle de leur implacable justice contre la nébuleuse judéo-bolchevique. Le procès des 23 est expédié en quelques heures et à huis clos. Mais cela n'empêche pas les journalistes de Paris Soir d'affabuler à partir d'éléments de langage, transmis bien sûr par les Allemands. 9h, une immense salle lambrissée d'or. Sur des chaises de velours rouge sont assis 23 hommes et une femme, entravés deux par deux par des menottes. Ils font face à deux grandes flammes de guerre allemande qui encadrent l'aigle du Reich et un portrait du Führer. La cour martiale auprès du commandant du Grand Paris va commencer le procès d'une bande de 24 terroristes commandée par l'arménien Missak Manouchian. Le mouvement ouvrier immigré était dirigé par des juifs qui prenaient leurs ordres à Moscou. Manouchian, l'homme aux 150 assassinats, un garçon basané, au regard fuyant, ne manque pas d'intelligence. Il reconnaît les faits avec un cynisme déconcertant. Il y a parmi les accusés de jeunes garçons qui ont accepté pour 2300 francs par mois et pour ne pas aller travailler en Allemagne, de devenir d'ignobles et lâches assassins à la solde des étrangers et des juifs dont le but n'est que trop évident. Achever le pays blessé qui n'a eu que le tort de leur ouvrir trop grandes ses frontières. Le 21 février 1944, au matin, Missak Manouchian sait qu'il va mourir avec ses compagnons sur le Mont Valérien. Il ignore évidemment que son visage deviendra dans les semaines à venir celui du chef de bande communiste assoiffé de sang qui doit effrayer les vrais Français. En plus qu'il ne peut deviner que quelques Français courageux, eux, défiant les autorités allemandes, viendront déposer des bougies et des fleurs devant leurs portraits, taguant les murs où est placardée par la fiche rouge cette mention « Mort pour la France ». C'est un poète, espérant qu'on retienne de lui surtout ses textes, lui, l'amoureux de la nature et de tous les hommes, que Manouchian écrit quelques derniers mots déchirants à sa femme, Mélinée. Il n'a jamais été naturalisé par la France, mais c'est tout de même de son nom francisé qu'il signe, Michel Manouchian. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ou qui ont voulu me faire du mal. Sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau, et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur, et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Missak Manouchian, nos invités, Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et Dimitri Manessis, bonjour. Bonjour. Docteur en histoire, vous êtes auteur tous les deux de « Avec tous tes frères étrangers » de la MO EOFTP Moï, livre paru aux éditions Libertalia, ce mois-ci, en début de mois. Revenons pour commencer sur cette dernière lettre de Manouchian, qui derrière l'humanisme déchirant de l'homme, trahit également un soupçon. Il dit « Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. » Alors, deux questions. Est-ce que cette lettre est le point de départ du soupçon qui entoure la chute du groupe Manouchian, autrement dit l'implication potentielle de la hiérarchie du Parti communiste, et si la direction du PC est impliquée, au nom de quoi l'est-elle? En gros, quels sont les ingrédients de la polémique? Jean Vigreux. Les ingrédients sont multiples. D'abord, c'est en 1985, vous l'avez évoqué, le film de Moscou qui revient sur cette question, reprenant ces mots. Mais ce qu'il faut comprendre, et vous l'avez bien dit dans le documentaire, c'est qu'il y a Davidovitch qui a arrêté quelque temps auparavant et qui parle parce que sa femme est devant lui alors qu'il est torturé. Donc il y a tous les enjeux aussi humains qu'il faut voir. Évidemment. Et puis, il livre des documents avec les numéros des matricules, les pseudonymes, etc. Bon, ça, c'est l'aspect archives de la préfecture de police, on a tout ça. Mais on sait aujourd'hui qu'ils étaient repérés depuis longtemps. Rahimann était repéré depuis juillet. Manouchian était repéré depuis septembre. Donc tout le travail des filatures a été très bien fait. Donc il n'y a pas de trahison en tant que telle. Mais ça apparaît comme tel parce que souvent aussi c'était ce que l'on se racontait. Et puis si les archives maintenant sont ouvertes, en particulier celles du Parti communiste, le fond Duclos, que j'invite vraiment à connaître, qui est au musée d'histoire vivante. Du nom de Jacques Duclos, l'ancien numéro un communiste. Candidat à la présidentielle en 69. C'est tout à fait ça. Mais qui, pendant la période, était le dirigeant clandestin en France. Eh bien, tout le long de l'année, au contraire, les directives, puisqu'il commandait le parti, il commandait les FTP, il commandait la MOI, c'était la prudence, la prudence, la prudence. En fin de compte, c'est le travail de la police qui a réussi. Mais dans ces histoires, on aime bien aussi parfois évoquer la trahison. Mais c'est vrai que Davidovitch, ayant parlé, d'ailleurs, les Allemands ne le relâchent qu'au début décembre, hein, après toutes les arrestations et après avoir remis les 23 et même les 68 aux autorités allemandes, et Davidovitch est exécuté par les FTP MOI, par Holban. Dimitri Benassis, comment vous traduisez la colère de Georges Marchais qu'on a entendu? C'est une colère à remettre aussi dans un contexte qui est celui du délitement de l'Union de la Gauche. Les communistes ont quitté le gouvernement et il y a cette tension et ces conflits permanents entre PS et PC. Donc c'est vrai qu'il faut ressortir aussi la mise en avant par le pouvoir de l'époque de ce documentaire dans un contexte plus large qui est celui de l'affrontement PS-PC. Ce documentaire qui par ailleurs est un bon film absolument remarquable, très beau, très émouvant. Moscou, c'est son premier long, c'est vraiment un très beau film qui cependant pêche du point de vue de la rigueur historique sur la question de la trahison qui n'a jamais existé. Il y a une autre polémique, ou presque polémique, mais qui n'est pas spécifique au groupe Manouchian, c'est le fait que à chaque fois que des résistants s'en prenaient, notamment un dignitaire allemand, il y avait ces représailles tellement lâche et tellement cruelle des Allemands qui fusillaient des civils. Quel était le rapport entre la population civile qui pouvait avoir peur, non pas des résistants, mais des actes de résistants? C'est un point très, très épineux. Hein. Alors c'est un point épineux, c'est un point qui est lié aussi à la conception qu'on a de la résistance. Ça a été dit également dans votre documentaire. Mmh. Depuis 1941, les seuls à mener la lutte armée, c'est le Parti communiste. Les gaullistes, par exemple, ne veulent pas de la lutte armée au départ. C'est plutôt de la propagande, de la contre-propagande, ou même Libénor, etc. C'est véritablement à partir de 1943, lorsqu'on aura créé le Conseil national de la résistance, que tout le monde sera uni, qu'on va avoir les premiers combats, et surtout pour préparer le débarquement. Mais de ce point de vue-là, la population, effectivement, connaît les enjeux des fusillés, des otages. Mais il ne faut pas oublier quand même que la plupart des otages sont des communistes et ce sont des juifs. Ouais, bien sûr. Alors, pour sortir de la polémique, un dernier témoignage, un dernier point qu'on va vous faire entendre. On va écouter le regard que pose le numéro un communiste d'aujourd'hui, hein, Fabien Roussel, sur la panthéonisation de Manouchian et sur l'histoire du groupe Manouchian en général. Beaucoup de grandes figures de la résistance étaient au Panthéon. Et on y trouve tous les mouvements, que ce soit les gaullistes, les catholiques, les francs-maçons. Il manquait la résistance communiste. Et c'est pour ça que pour moi, pour nous, c'est un honneur aujourd'hui que la résistance communiste entre enfin au Panthéon. Et c'est un honneur pour nous qu'elle soit représentée par Missak Manouchian, et c'est une réparation, parce que nous n'y étions pas aux côtés de Jean Moulin, de Germaine Tillon, de Geneviève Antonios de Gaulle, de Jean Zay, de Pierre Brossolette, de Joséphine Baker. Nous n'y étions pas, et nous y sommes enfin. Bon voilà, je pense que ça n'est pas sorti de commentaire, c'est clair, net et précis. Oui, c'est clair, net et précis, mais n'oublions pas quand même que Méliné était revenu après le film de Moscou, était avec Marchais en 1989, lorsqu'il y a le cénotaphe au Père Lachaise, en l'honneur du groupe Manouchian, qui est mis dans le carré du parti. Donc, c'est des histoires complexes, et heureusement, c'est pas noir et blanc. Dimitri Manessis, parlez-nous de l'affiche rouge. C'est pas le cœur du sujet d'ailleurs, l'affiche rouge. Vous avez toujours le groupe Manouchian et l'affiche rouge. Ben non, l'affiche rouge, c'est un élément de l'histoire. Le cœur du sujet, c'est Manouchian et son groupe. Mais enfin, l'affiche rouge. L'affiche rouge, c'est donc un élément de propagande nazie, vous l'avez dit, qui par un phénomène de retournement du stigmate, comme ça arrive souvent, va devenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un des symboles les plus populaires et les plus connus de la résistance, et particulièrement de la part prise par les étrangers et les communistes dans la résistance en France. C'est un objet de propagande qui a une très grande diffusion, qui est assorti également d'une brochure dans laquelle, et je reviens sur un terme que vous avez employé, bien évidemment avec plein de guillemets, c'est le judéo-bolchevisme. Cette brochure, en fait, elle nous décrit toute la vision du monde qu'ont les nazis, une vision du monde complotiste qui fait du communisme le dernier avatar en date d'un complot juif pour dominer le monde, et que donc, eux sont engagés dans une lutte à mort, une lutte politico-raciale pour affronter ce péril-là. C'est tout ça qu'incarne l'affiche et la brochure qui l'accompagne. Est-ce qu'elle est efficace auprès des populations, enfin de la population ? En fait, il y a ce retournement du stigmate dès l'origine parce que le contexte a changé. On a déjà parlé de la victoire de Stalingrad, on a parlé de ce tournant dans l'opinion publique qui fait que ce type de propagande, à ce moment-là, en fait, ne fonctionne plus. Et très vite, d'ailleurs, les autorités préfectorales, on le voit dans les archives, avertissent leur hiérarchie en leur disant « retirez cette affiche, retirez ces brochures de la circulation » parce qu'elle a l'effet inverse. Elle va galvaniser la population qui va accueillir ces visages qu'on veut criminaliser, qu'on veut dépolitiser, qu'on veut présenter comme des bandits. Et bien la population, une grande partie en tout cas, les accueille comme des combattants et comme des héros. Jean Vigreux, vous acquiescez, évidemment. Ah oui, totalement. Et puis, dans ce côté mémorial, il y a aussi le poème d'Aragon, qui transforme totalement. D'ailleurs, il s'appelait, les archives du CNRS le montrent bien, il s'appelait Groupe Manouchian au départ. Alors après, c'est strophe pour le souvenir, mais c'est ça qui est important. Et donc, on fait à front renversé et ils deviennent des héros. Alors, ce qui est très émouvant dans cette histoire, et c'est une leçon, c'est que ces gens-là, qui se sont battus au péril de leur vie, c'est le moins qu'on puisse dire, sont pas des Français natifs de France, sont des étrangers qui vont se battre pour des valeurs, certes, mais aussi pour leur pays d'adoption. Moi, je trouve ça très émouvant. C'est à la fois le patriotisme, c'est pas le nationalisme, le nationalisme non, là, pour exclure, c'est du patriotisme, absolument. On défend la patrie en danger, c'est vraiment un retour du côté de la Révolution française, faut jamais perdre de vue qu'ils sont attachés à cette Révolution française, tous, parce que les FTP-MOI que vous avez cités à Grenoble, à Lyon, à Marseille, ils s'appellent Marat, ils s'appellent Valmy, ils s'appellent Carmagnol, ils s'appellent Liberté, donc ça renvoie tout à cet héritage de la Révolution, le 150e anniversaire en 1939, et en même temps, ils sont internationalistes. Dimitri Manessis, dans la courte vie de Missak Manouchian, il y a évidemment ce passé arménien, ce génocide des Arméniens par les Turcs. En quoi cela construit-il son action politique, son engagement ? Est-ce que c'est un élément important ? Je pense que c'est un élément important et qui, pour lui, comme beaucoup d'autres, qu'ils soient arméniens ou qu'ils soient juifs, par exemple, leur engagement politique, il est marqués dans leur chair par la lutte contre les persécutions, persécutions raciales, persécutions religieuses. Et donc, eux vont investir le combat communiste, en l'occurrence, comme un combat visant non seulement à la fin de l'exploitation économique, mais à la fin de toutes les formes de domination. C'est pour ça qu'on retrouve des tas de profils comme lui dans les rangs communistes et aussi dans la résistance, parce que dès l'origine de leur parcours individuel et personnel, il y a cette volonté farouche de trouver une issue politique qui abolisse toutes les discriminations, toutes les formes de domination. Et on passe d'un génocide à l'autre, entre... Bien sûr. Et le siècle et la Deuxième Guerre mondiale. Et vous l'avez dit, à travers la figure de Marcel Reimann, c'est cette lutte, y compris cette lutte, j'allais dire, à la fois pour la vengeance et pour la survie, qui anime bon nombre de combattantes et de combattants juifs et juifs. Jean Vigreux, on l'a dit également, il y a ce concept de les Français d'abord, dans les années 30. J'imagine que ça aussi, ça explique l'engagement de résistants, et notamment et en particulier de résistants communistes et de résistants étrangers communistes. Oui, ça participe, ce qui se joue dans les années 30, une véritable bipolarisation de la vie politique. Hein. En gros, il y a le Front populaire et il y a l'anti-Front populaire. Parce que la réaction aussi au 6 février 34 que vous avez évoqué, c'est considérer ce 6 février comme un coup de force fasciste, comme il y a eu en Italie, comme l'arrivée d'Hitler au pouvoir quelques mois auparavant. Donc ça électrise la société. Mais ça renvoie aussi peut-être à ce que Gérard Noiriel avait très bien montré il y a quelques années, les origines républicaines de Vichy. Parce que dès 1938, avec la fin du Front populaire, on voit la mise en œuvre et la mise en place, en quelque sorte, de cette préférence nationale. Votre livre revient évidemment, je vous donne la parole l'un après l'autre, vous avez écrit tous les deux le même livre, donc Dimitri Manessis, votre livre revient évidemment sur l'action du groupe FTP Moï parisien, mais vous racontez aussi celle d'autres groupes ailleurs en France, dont la mémoire est moins connue, on peut en parler ? Oui, effectivement, c'est ce qu'on ça, a ça voulu... Ça leur rendra hommage, d'ailleurs. On a voulu montrer dans ce livre que la MOI, d'abord, existe avant la guerre et continue après la guerre. Et puis, on a voulu aussi desserrer la focale de la seule région parisienne et mettre en avant le groupe Marat, par exemple, à Marseille, qui a été immortalisé par de très belles photographies de Julia Pirotte. Et puis, la 35e Brigade à Toulouse, qui porte d'ailleurs ce nom-là. On faisait référence aux noms qui eux-mêmes faisaient référence à la Révolution française. Là, la 35e Brigade à Toulouse fait référence à la 35e division de l'armée républicaine espagnole et aux brigades internationales. Donc, c'est tout ce syncrétisme entre un patriotisme populaire de classe et puis un internationalisme prolétarien et antifasciste qui se met en œuvre à travers tout le territoire. Comment ces groupes FTP et MOI traitent-ils avec l'armée gaulliste ? Comment s'intègrent-ils dans l'armée de la France libre après la réunion des résistances de Jean Moulin, Jean Vigreux ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, la mise en place du CNR fait qu'on travaille ensemble. Ça, c'est important. Dans ceux qui sont arrêtés, par exemple, dans la troisième filature de novembre 1943, où tombe le groupe Manouchian sur les 68, il y a 3-4 personnes qui n'étaient pas du tout communistes, qui faisaient les faux papiers et qui venaient de réseaux gaullistes. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble et on travaillera de plus en plus ensemble pour préparer le débarquement et pour préparer la suite, l'après. Et ça, c'est important parce qu'il y a aussi une projection. Le programme du CNR, on en parle souvent, cette charte du CNR qui prévoit les jours heureux, etc. Enfin, ouais. Et les clins d'œil de Fabien Roussel ces dernières années participent de ça. Mais il ne faut jamais oublier la première partie. Et la première partie, c'est comment on va libérer le territoire, quelles sont les logiques militaires, quelles sont les logiques tactiques et stratégiques qu'il faut employer. Merci infiniment, Jean Vigreux. Merci tout aussi infiniment, Dimitri Manessis. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître, il est à lire en ce moment ou jamais, hein, avec tous tes frères étrangers de la MOE au FTP MOI, livre paru aux éditions Libertalia en 2024. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le groupe Manouchian, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.